Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Marco Polo et son livre des merveilles. Marco Polo arrive à la cour de Kubilai Khan en 1275. Donc après plusieurs années dans le désert, Marco a appris la langue tartare. Il peut s'exprimer très bien et devant le Khan Kubilai, c'est lui qui répond aux questions. Marco Polo servira l'empereur Kubilai Khan durant 16 ans. Au total, le voyage qui va le conduire dans ce vaste empire mongol du 13e siècle jusqu'à son retour à Venise en 1295, ce voyage va durer 24 années. Et c'est dans une prison de Gênes que prendra forme le récit de ce grand voyage de Marco Polo en devenant le Livre des Merveilles, aussi appelé le Devisement du Monde. Ce livre va marquer profondément l'image que vont se faire les Européens du continent asiatique dans les siècles qui suivront. Et le livre de Marco Polo et toutes les richesses qui y sont décrites n'est sûrement pas non plus étranger aux grandes expéditions qu'entreprendront plus tard Christophe Colomb et Vasco de Gama. Je veux rendre hommage à mon Khan en lui faisant profiter de mes voyages le long de la route de la soie. En échange? Si vous le désirez, je vous laisse faire de mon fils votre homme. Père, qu'est-ce que tu fais? Père, ça ne durera pas éternellement. Les murs de mon royaume s'étendent au-delà de l'horizon. Tu me feras un rapport, tu m'exposeras ce que tu as vu. Soyez prudente, Maître Polo. Vos paroles pourraient vous coûter la vie. Je vous enseignerai comment survivre dans le monde que vous choisirez pour patrie. Ce n'est pas ma patrie. Chine, Mongolie, je veux être l'empereur du monde! Nous ne céderons jamais le dernier bastion de la dynastie Song. Si l'histoire de Marco Polo nous fascine depuis déjà des siècles, cette récente télésérie, c'est la bande-annonce qu'on entendait de cette télésérie américaine de John Fusco, remet un petit peu au goût du jour, suscite à nouveau l'intérêt, ravive l'intérêt du public pour ce grand voyage de Marco Polo dans l'Empire mongol du 13e siècle. Pour nous raconter cette formidable histoire, j'accueille Elisabeth Monast-Moreau, qui a travaillé à l'exposition Marco Polo, le fabuleux voyage présenté au musée de la Pointe-à-Calière de Montréal en 2014. Elisabeth Monast-Moreau, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Qui est Marco Polo? Marco Polo, c'est un jeune, à l'origine, c'est un Vénitien. Donc, il est né à Venise dans la deuxième moitié du 13e siècle, donc vers la fin du Moyen Âge. Il est né dans une Venise qui, à l'époque, était une cité-État autonome, donc à l'époque où l'Italie n'était pas encore unifiée. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Venise était une très grande puissance. C'était la deuxième puissance religieuse la plus importante après Rome. C'était une puissance commerciale majeure. Mmh. Ils contrôlaient de nombreux ports et ils avaient d'ailleurs réussi lors de la quatrième croisade à reconquérir Constantinople. Donc, les marchands de Venise étaient des gens extrêmement puissants qui étaient le trait d'union, si vous voulez, entre l'Orient et l'Occident. Marco Polo, lui, est né dans une famille de marchands, mais qui était quand même relativement modeste. À sa naissance, son père, Niccolo Polo, et son oncle, Matteo Polo, étaient déjà partis dans un grand voyage en route vers la Chine. Donc, ils étaient partis en 1252 et ils reviendront vers Venise seulement vers 1269 avec en poche une mission que leur aura donnée le grand Kubilai Khan, mm-hmm. l'empereur de la Mongolie. La mission consiste en fait en trois étapes. L'empereur Kubilai Khan donne au Polo la mission de rendre un message au pape, de lui ramener 100 prêtres pour le convaincre de la supériorité de la foi chrétienne. Et il leur demande également de se rendre en Terre Sainte et de leur ramener l'huile du Saint-Sépulcre. Ouais. Alors, à leur retour à Venise, Niccolo Polo et Matteo Polo pensaient qu'ils pourraient effectuer leur mission très rapidement. Mais sans le savoir, à leur retour, le pape était mort. Donc, et ça les a mis dans un temps d'attente parce qu'ils devaient parler au pape pour remplir leur mission. Ils ont décidé de repartir après 2 ans d'attente, quand le pape n'était pas encore nommé. Et ils ont amené avec eux Marco Polo, qui était à cette époque-là seulement un jeune homme âgé de 17 ans. Donc, il part avec son père et son oncle pour très, très longtemps. Il ne le sait pas encore. Le voyage, le seul voyage pour se rendre à destination, Elisabeth Monast-Moreau, va durer 4 ans. Oui, et c'est un voyage absolument extraordinaire. C'est un des voyages les plus célèbres du monde. Écoutez, ça fait près de 700 ans et on en parle encore. Et c'est un voyage qui comportait de nombreux dangers parce que la route de la soie, la principale route qu'ils vont emprunter pour se rendre de Venise jusqu'en Chine, traverse des endroits qui encore aujourd'hui n'ont pas été contrôlés ou peuplés par l'homme. Là. Ils traversent l'Irak, ils traversent l'Afghanistan, ils vont dans les Himalayas et ils rencontrent toutes sortes de dangers. Lors de leur premier voyage, quand ils ont rencontré Kublai Khan, Kublai Khan leur a donné un laissez-passer impérial. Un laissez-passer à l'oncle et au père Marco Polo. À Niccolo et Matteo. Ouais. Ils ont reçu un laissez-passer impérial en or qui avait pour but de les protéger au cours de leur voyage et qui mentionnait aux étrangers, lorsqu'ils le présentaient, qu'ils étaient des invités de marque, des gens à protéger, à nourrir, à loger et à qui on devait approvisionner des moyens de transport là, si jamais ils en avaient besoin. Donc ça a été quand même quelque chose qui les a protégés. Donc ils se rendent finalement à destination et à nouveau donc une rencontre importante. Ils revoient l'empereur qui leur avait confié cette mission, l'empereur Kublai Khan. On écoute à nouveau, mais plus longuement, l'extrait qu'on entendait au tout début de l'émission, Guy Beausoleil, qui raconte cette rencontre entre Marco Polo, évidemment l'oncle et le père, et Kublai Khan à l'émission L'Aventure en 1988. Marco Polo arrive à la cour de Kublai Khan en 1275. Donc, après plusieurs années dans le désert, Marco a appris la langue tartare. Il peut s'exprimer très bien, et devant le Khan Kublai, c'est lui qui répond aux questions. La mémoire de Matteo et de Niccolo étant imprécise sur plusieurs points, les questions, finalement, sont adressées à Marco, qui parle d'abondance. Évidemment, en apercevant Marco, le Khan Kublai, qu'il ne connaissait pas, s'est enquis de son identité, et Niccolo a dit « C'est mon fils et ton serviteur. » Le grand Khan Kublai était décrit par Marco Polo de cette façon-ci. Il est d'un bel extérieur, ni petit ni grand, mais de taille moyenne. Il est musclé et bien proportionné, son visage est blanc et vermeil comme une rose. Il a de beaux yeux noirs et un nez bien séant. Il a 4 femmes, qu'il tient en toutes circonstances pour ses épouses légitimes. Et le fils aîné, qu'il a d'une d'elles, deviendra après sa mort le seigneur de l'Empire. Alors Elisabeth Monast-Moreau, qui est cet empereur Kublai Khan au-delà de cette description physique et du fait qu'il ait une femme et des enfants? Donc Kublai Khan, c'est le descendant de Genghis Khan. C'est un grand empereur mongol. Il faut savoir que son empire à cette époque-là ne se limite pas seulement à la Chine d'aujourd'hui, mais s'étend bien jusqu'à la Perse. Donc c'est vraiment un empire majeur. On y retrouve des déserts, on y retrouve une multitude de peuples et une multitude de religions qui y est pratiquée. Et on peut comprendre que la mission que le grand Khan a donnée au Polo, d'aller voir le pape en son nom, était en quelque sorte une volonté pour lui de se rapprocher des chrétiens. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, les chrétiens et les Mongols avaient pour même ennemi les Sarrasins, que l'on connaîtra sous le nom de musulmans plus tard. Et donc, les musulmans empêchaient Kublai Khan d'étendre son empire au-delà de la Perse. Et de l'autre côté, du côté des Européens, c'était les musulmans qui détenaient la Terre Sainte. Et les Européens voulaient reprendre cette Terre Sainte-là. Alors, ils avaient tout avantage à s'allier ensemble. ce jeune homme, tout jeune encore, Marco Polo, toute une mission au fond qu'il a sur les bras avec son père et son oncle. Il sera au service de l'empereur Marco Polo pendant des années. Oui, pendant près de 17 ans. Quelle sera la nature de leur relation? Qu'est-ce qu'il fait pendant ces années pour l'empereur Kublai Khan? Oui, je vous dirais que Marco Polo va être très proche de l'empereur. Il va pas nécessairement être traité comme un prisonnier. Il va rendre service à l'empereur, donc évidemment, il ne sera pas son égal. Mais il va devenir un allié de l'empereur, parce que l'empereur va en faire un informateur, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un espion. Il va même en faire le gouverneur de Xanhu, qui est une grande cité au sud de la Chine, et il va lui demander d'accomplir toutes sortes de missions pour lui. Alors, c'est un homme de confiance, Marco Polo. Ce n'est pas un prisonnier. Qui a lui-même du pouvoir comme gouverneur d'une province. Oui, tout à fait. Il va beaucoup impressionner le Grand Khan, il va beaucoup impressionner les Mongols parce que il va être fasciné par cette culture-là qui est très différente de la sienne. Il va apprendre à parler mongol, à écrire, et il va vraiment observer comme un vrai anthropologue cette société-là. Mmh. Et apprendre toutes sortes de coutumes, de ces coutumes qu'ils ont. Et il va le décrire tout ça, puis on y vient dans un instant, dans ce livre des merveilles, qui sera vraiment comme un premier contact, une première vitrine pour l'Europe de ce monde lointain, de cette Chine, de cet empire mongol. Mais d'abord, quand et pourquoi décide-t-il, Marco, son oncle et son père, de rentrer? Bien, il faut comprendre que, bon, pour se rendre entre Venise et la Chine, ils ont fait un voyage d'environ 4 ans. Une fois rendus au Grand palais de Kublai, Marco va être au service de l'empereur pendant près de 17 ans. Et bon, on ne sait pas exactement les raisons qui l'ont poussé à repartir. On peut penser qu'il avait peut-être fait le tour là de son aventure. Le mal du pays, peut-être. Oui, et il voulait peut-être aussi retourner à Venise parce que tout au long de son voyage, il a catalogué toutes les informations, les valeurs des produits qu'il trouvait, les richesses, les pierreries, les épices. Et tout ça avec l'idée d'un commerçant. Alors, la volonté de revenir à Venise et de reprendre son statut de commerçant pouvait être quelque chose de très attrayant, dans un premier temps. C'est sûr que le Grand Khan aimait beaucoup Marco Polo et ne souhaitait pas nécessairement le voir partir, mais il lui a confié une mission qui fut sa dernière, qui était de reconduire une jeune princesse mongole jusqu'en Perse pour la confier en mariage. Donc c'était l'empereur mongol qui offrait une jeune princesse en mariage et les Polos en ont profité pour faire le voyage de retour et ne jamais revenir se disant, on est déjà en Perse. Puis apprennent entre-temps que l'empereur est mort. Oui, c'est ça. Donc, ils partent de la Chine. Et puis, c'était pas un petit départ, là. Ils partent dans des jonques chinoises. Ils sont accompagnés de près de 500 personnes. Il y a seulement 18 personnes qui vont survivre au voyage, parce que c'est des voyages absolument dangereux. Et une fois rendus en Perse, ils apprennent la mort de Kublai. Donc, il y a rien vraiment qui les rappelle là-bas. Donc, ils poursuivent vers Venise. Il va être fait prisonnier, Marco Polo, une fois de retour à Venise. Il va se retrouver en prison à Gênes. Oui. Et c'est là, et dans quelles circonstances, au fond, Elisabeth Manasse-Moreau, que va prendre forme ce récit dans ce livre, Le Livre des Merveilles? Oui. Alors, en fait, Marco Polo est mêlé à une bataille dans laquelle Venise et Gênes s'affrontent. Et il va être fait prisonnier à bord d'une galère vénitienne. Il va être emprisonné à Gênes et par tous les plus grands des hasards, son voisin de cellule ou son compagnon de cellule, si vous voulez, ce sera Rusticien de Pise. Et Rusticien, qui est un auteur. Qui est un grand auteur qui a fait un recueil sur les légendes d'Arthur et qui a servi à la cour d'Angleterre pendant longtemps. Et Marco Polo va se mettre à lui raconter son voyage. Lui raconter toute son aventure et Rusticien de Pise va se mettre à écrire ce qu'on appelle le dévisement du monde, connu aujourd'hui sous le nom du Livre des Merveilles. Ce livre-là, c'est absolument fabuleux parce qu'il faut penser qu'il a d'abord été écrit en français et en italien, mais il a par la suite été traduit en plus de 140 langues. Et il va être marquant, ce livre-là, c'est certain. On écoute Guy Beausoleil à nouveau, à l'émission L'Aventure, toujours en 1988, nous décrire un peu ce qu'on peut retrouver dans ce livre-là, qui est vraiment un formidable portrait de société, portrait de mœurs également. Qu'est-ce qu'il raconte dans son livre Marco Polo? Il donne beaucoup de renseignements sur les coutumes originales des peuples. Par exemple, il raconte quel genre de pantalon portent les femmes dans une ville qui s'appelle Badakhshan, au nord de l'Inde. Par exemple, comment, en Chine, on incinère les morts avec des modèles en papier de tous les objets qui les entouraient de leur vivant. Par exemple, comment on cède les femmes et les filles aux voyageurs au Tibet. Et comment, dans le Yunnan, une province de la Chine orientale, le mari, par exemple, garde le lit en faisant semblant d'être malade, et puis après la naissance de l'enfant, reçoit les félicitations comme si c'est lui qui avait accouché. Comment, par exemple, on monte les éléphants à Zanzibar? Comment, par exemple, on tatoue le corps en Indochine? Donc, c'est très, très, Elisabeth Menasse-Moreau, très concret. Oui. C'est une mine d'or, cette affaire-là. Oui, tout à fait. En fait, c'est un réel récit anthropologique, géographique. Et Marco Polo a vraiment été un grand observateur tout au long de son aventure. Il a catalogué toutes les sortes de rencontres qu'il a pu faire, les sortes de religions qu'il a pu rencontrer, comme le zoroastrisme, pardon, qui est le culte du feu. Il a découvert des pierres précieuses, des turquoises, le lapis lazuli, comment on extrait le lapis lazuli. Il a croisé un orang-outan. Il a été absolument fasciné parce qu'il pensait que c'était un homme sauvage, poilu, et non un animal. Donc, les découvertes de Marco Polo ont été vraiment multiples, que ce soit... Ça va au-delà des pierreries et des épices. Ouais. Puis il y a un côté aussi, parce que Kublai Khan voulait... lui dit, quand il lui demande de parcourir cet empire, je ne vois pas l'horizon de mon propre empire, je veux savoir de quoi est fait mon empire. Il y a un côté, j'allais dire, très rapport, presque de fonctionnaire, mais il est fasciné, comme Vénitien aussi. Oui. Vous le disiez, Venise est une cité-État, la Mongolie est beaucoup plus unifiée, il y a une monnaie, des routes, ça le fascine ça aussi, l'organisation administrative de l'empire. Oui, parce que la Chine a développé des systèmes absolument essentiels qu'on utilise tous les jours aujourd'hui. Le papier-monnaie, ça vient de là, ça vient de l'empereur de Kublai Khan. La messagerie, qui est aujourd'hui la poste, mm-hmm. mais qu'on faisait à l'époque en cheval, ça vient de là. Et puis, lui est témoin de tous ces systèmes-là, de cette organisation-là, et il va le raconter dans le Livre des Merveilles, et il va amener toutes ces connaissances-là aux Européens, qui à l'époque, bien qu'on porte la soie quand on est des nobles, bien qu'on adore les pierreries, puis on aime manger les épices qui viennent de l'Orient, on n'a aucune idée de l'organisation sociale de l'Empire en Orient. Ça va avoir quel impact, la publication, entre guillemets? Puis est-ce que ce sera rapide, d'ailleurs, la connaissance de ce livre-là? Je ne sais pas, mais quel impact ça va avoir en Europe? Ça va avoir un impact majeur parce que le Livre des Merveilles va devenir un réel trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Il faut comprendre aussi que, mis à part les polos, il y a peut-être seulement une ou deux personnes avant eux que l'on connaît, qui se sont rendus jusqu'en Chine. La majorité ont essayé, mais ont péri à travers le voyage. Donc, ils sont des héros. Marco Polo, dans le Livre des Merveilles, a réussi à nous raconter un véritable récit médiéval. C'est sûr que Rustin de Pise en a rajouté un peu, là, pour faire appel au goût des mythes et des légendes. Mais les découvertes que Marco Polo va faire sont très grandes et ils vont littéralement inspirer les Européens à pousser les découvertes plus loin, mm-hmm. puis à vouloir découvrir davantage ce monde dans lequel ils vivent. Ce qui fait qu'on peut penser qu'il y a vraiment un lien entre ce livre-là, ce récit, les richesses aussi qu'il décrit, et cette volonté, je le disais au tout début de l'émission, mais d'un Christophe Colomb, d'un Vasco de Gama, d'essayer de trouver une route. Ben tout à fait. C'est pas pour rien. Écoutez, Marco Polo a été emprisonné à Gênes. Christophe Colomb arrive beaucoup plus tard. Il arrive dans les années 1400. Mais c'est un Génois qui lit le Livre des Merveilles de Marco Polo puis qui décide de partir à l'aventure. Il veut trouver l'Asie, mais il trouve l'Amérique à la place en 1492. Alors, ça a fait naître chez les gens un goût de la découverte, mais ça a également apporté une richesse parce que c'est un des premiers dans un ouvrage à avoir fait part des distances entre certains lieux. Et ça a permis de révolutionner la cartographie également. Plus près de nous, on termine là-dessus, controverse qui va surgir autour de 1995, une historienne britannique, Frances Wood, qui va publier un livre qui s'intitule, je traduis, là, c'est peut-être pas le titre précis, mais qui s'intitule « Marco Polo est-il vraiment allé en Chine ?» On écoute l'auteur, donc Frances Wood, à l'émission Les Actualités en 1995. On sait, les Chinois sont toujours les mêmes, mais ils ont été depuis, des centaines d'années, des archivistes. Ils ne faisaient que fouiller des papiers, d'écrire des papiers, de décrire tout ce qui se passe, surtout à la cour. Et beaucoup de ces informations existent toujours. On ne trouve absolument rien qui décrit Marco Polo. Il y a, par exemple, des noms des gens de Perse qui sont venus aider dans les batailles, des docteurs de l'Inde, et puis aussi quelques Européens qui sont venus rendre visite à la cour des Mongols. Mais rien qui serait une mention définitive de Marco Polo. Marco Polo est-il allé en Chine? Elisabeth Molas-Moreau, plus sérieusement, comment ça va se solder? Ça a été une vraie controverse, la publication de ce livre-là, en 95. Ça va se solder comment, cette controverse-là? Ben, écoutez, est-ce que Marco Polo est vraiment allé en Chine? Est-ce que Marco Polo a vu tout ce qu'il a vu? La majorité des historiens aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ne sont pas prêts à mettre leurs mains au feu, mais ne sont pas prêts à le réfuter complètement non plus, parce que il y a tellement de détails dans le Livre des Merveilles sur le système, l'administration, la vie en Chine, les populations qu'il a rencontrées tout au long de ses voyages, les découvertes, les richesses qu'il a trouvées. C'est tellement détaillé. Il y a les prix, il y a les manières dont on marchande, que quelqu'un aurait pas pu imaginer ça. À cette époque-là. À cette époque-là, il fallait le vivre, il fallait le voir pour le comprendre, pour pouvoir l'expliquer avec une telle exactitude, avec autant de détails. Alors, et d'ailleurs, l'histoire fait mention du départ des polos, fait mention de leur retour. C'est sûr qu'il n'y avait pas de témoins avec eux lorsqu'ils étaient en voyage. Mais quand ils sont revenus, il y a eu un grand banquet. Avec tout plein de gens, on a souligné le retour, la survie des polos, et on raconte que les polos avaient avec eux leurs habits de voyage, et ils ont défait les coutures de leurs habits de voyage, et dans les coutures se trouvait une multitude de pierres précieuses, des saphirs, des rubis, des améthystes, et c'était des richesses qu'ils avaient pu s'approvisionner seulement à travers le voyage qu'ils ont fait. En tout cas, le livre existe toujours, on peut le lire. Elisabeth Molas-Moreau, chargée de projet au Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Calière de Montréal, responsable de l'exposition Marco Polo, le fabuleux voyage, présenté au musée en 2014. Merci beaucoup de votre passage. C'est un grand plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.